La dernière escapade. Cinquième partie. La femme s'abattit comme un ressort qui casse. Lui resta sans comprendre et l'attendit, debout, inquiet, la croyant seulement un peu lasse, car sa robe tremblait toujours. Puis tout à coup l'épouvante lui vint ainsi qu'une bourrasque. Il se pencha, lui prit les bras, et d'un effort terrible, il la leva, quoiqu'il fût très peu fort. Mais tout son pauvre corps pendait, sinistre et flasque. Il vit qu'elle étouffait et qu'elle allait mourir, et pour chercher de l'aide, il se mit à courir, avec de petits bonds effrayants et grotesques, décrivant, sans la main qui lui servait d'appui, au galop saccadé par son bâton conduit, des chemins compliqués, comme des arabesques. Son souffle était rapide et dur comme une toux. Mais il sentit fléchir sa jambe vacillante, si molle qu'il semblait danser sur ses genoux. Il heurtait au tronc noir sa course sautillante, et les arbres jouaient avec lui, le poussant, le rejetant de l'un à l'autre et paraissant s'amuser lâchement avec cette agonie. Il comprit que la lutte horrible était finie. Et comme un naufragé qui se noie, il jeta un petit cri plaintif en tombant sur la face. Faible gémissement qu'aucun vent n'emporta. Il entendit encore, quelque part dans l'espace, les longs croassements lugubres d'un corbeau mêlés au son lointain d'une cloche cassée. Et puis, tout bruit cessa, l'ombre épaisse et glacée s'appesantit sur eux, lourde comme un tombeau.